Chapitre 4. Matthieu et Luc font naître Jésus à Bethléem parce que les prophéties annonçaient que le Messie devait sortir de cette bourgade de la Judée. Il est probable qu'il est réellement né à Nazareth. Pour expliquer sa naissance si loin du domicile de ses parents, Luc prétend qu'il devait se rendre à Jérusalem pour le dénombrement de toute la terre ordonné par César Auguste et exécuté par Cyrinus. Mais nul historien ne parle de ce recensement extraordinaire, et Cyrinus, ne fut gouverneur de la Syrie que 10 ans après l'époque assignée par l'Église romaine à la naissance de Jésus. Voyons pourtant de quelles circonstances merveilleuses l'ont entouré les évangélistes. Matthieu raconte que des mages vinrent de l'Orient, avertis par une étoile que le roi des Juifs était né pour l'adorer. Pourquoi des mages, prêtres de l'ancienne religion des Perses, seraient-ils venus adorer un roi telé de Judée, et comment une étoile peut-elle les avertir de la naissance de ce petit souverain? Mais passons. Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé. Il fit venir les mages et leur recommanda de venir lui dire où était l'enfant, afin qu'il allât l'adorer à son tour. En réalité, ajoute l'évangéliste, il voulait le faire mourir. Les mages, guidés par l'étoile, trouvèrent l'enfant, lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis par une vision, au lieu d'aller renseigner Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Alors un ange apparut à Joseph et lui ordonna d'emmener immédiatement Marie et son fils en Égypte, ce qu'il fit la même nuit. Cependant, continue le narrateur, le roi Hérode, furieux d'avoir été joué par les mages, fit massacrer dans Bethléem et dans le pays d'alentour tous les enfants âgés de 2 ans et au-dessous. On vit alors s'accomplir ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Un grand bruit a été entendu dans Rama. On y a entendu des plaintes et des cris lamentables, Rachel pleurant ses enfants et ne voulant pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce récit fourmille d'invraisemblances et d'erreurs. Je n'en relèverai qu'une partie. Comment ce massacre, ce forfait exécrable que commémore l'Église romaine, a-t-il pu s'accomplir sans protestation des Juifs, si prompt à la révolte, sans qu'aucun historien en fasse mention? Flavius Joseph, dont la famille avait été dépossédée par Hérode et qui ne le ménage pas, est muet sur ce point. Est-ce admissible? Quant à la prétendue prophétie, c'est encore un faux par omission. Le scribe, qui prend le nom de Matthieu, connaît trop bien la Bible pour ignorer que Jérémie a uniquement visé l'enlèvement et la captivité des tribus d'Israël. Les enfants de Rachel, enterrés à Rama, pris poétiquement pour le peuple hébreu, ne sont pas tous morts, mais captifs à Babylone. Et cela est si vrai que Jérémie ajoute « Retiens tes pleurs, les enfants reviendront dans leur territoire. » Le scribe sacré a eu bien soin d'omettre la fin de la prédiction. Le récit de Luc est inconciliable avec le sien. Ici, ce ne sont plus des mages, mais des bergers qui vont adorer l'enfant. Il n'y a ni fuite en Égypte, ni massacre. Le 8e jour après sa naissance, Jésus est circoncis. Le 33e, suivant les prescriptions de la loi juive, Marie va se purifier au temple, après quoi elle retourne à Nazareth avec son mari et l'enfant. Des deux récits, également inspirés par le Saint-Esprit, il y en a forcément un coupable d'imposture, et cependant, les fidèles sont obligés de les croire tous les deux, quoique tous les deux mentent effrontément.